Qu'est-ce que je dis? Quelles sont les raisons pour lesquelles j'ai autant de rage dans mon rap que de rage dans mon rad? La raison pour laquelle je me méfie de tout le monde et que tout le monde se méfie de moi. Je pars en pèlerinage avec ma solitude en buvant plein de vacherbes, en fumant plein de bénons. Le monde est petit quand on se rend compte tout le temps. Mais y'a beaucoup de gens donc le monde est grand. Et j'ai plus que nouvelles de ma copine, j'ai le sang qui se débine. Je reste froid avec ma bébine, ma bonbonne d'essence. Ça m'embonne des sangs, j'ai ma bonne pomme d'essence. Comment je fais pour être à ce point de sang? Désespéré, désemparé, désincarné, déprimé, dépravé, dévoyé par des nez. Sacré du cul qui a mal à la tête, à force d'être ainsi pendant la fête. Et qui n'en peut plus, sacré du cœur d'Asterre. Il fait la grève car elle m'a payé, c'était jamais le feu. Toujours en reste, c'est une baisse qui empête. Le rat écrasé, c'est moi le parasite dont ta vie liberté de marier. C'est moi le ministre quand personne n'est passé. C'est moi le contrat dépassé, le champion, le course à pied dépassé. L'intermittent du spectacle est dépassé. L'itinérant effacé. Le fadrasse, le fadrasse bébé. La raison pour laquelle ma dépression empeste. Tous les mecs qui se mettent sur sol en essayant de pas penser au sexe. Je n'arrive pas à enlever cette image du cerveau. Ma meuf elle est très ciblée par les syndicats. Et qui harde marde. Et qui harde marde. Tous ces fantasmes du Rolani qui ont rendu anormal ma vie. Je chasse mon esprit tous ces pauvres frères par grand prix. Et je suis serein car tout s'en va avec les rappes. Et en fait je me sens mal, j'ai le mal qui sert. Je fais couler un bain pour ma masturbée obsédée. J'entends des cris d'oiseaux artificiels, seulement tabac naturel. Et sous mes yeux je vois vos scènes. Je n'en ai pas, j'essaye de voler de mes bras. Tout se passe du café clope. Cigare coq et mon bal de gorge m'enveloppe. À serrer des salopes serrées sans leur enveloppe. On n'en reçoit plus les enveloppes. Elles se sont toutes envolées dans le hip-hop. Silver, pourquoi tu te portes tant la gueule? Parce que ma copine sont boîte de ma gueule. Alors j'ai une arène à battre avec mes gants d'avance pété au sky comme des arbres à battre. Le foot est éclaté comme le baseball bat. J'espère que tu baisses bien sa carte et moi je crois que je suis devenu fou. Envers les salopes, n'ai plus aucune confiance du tout. Pourquoi c'est que sort ma gorge, ça part de vomi. Dans mon cœur, mes poumons, trop de sang pourri. Ma meuf n'est pas ici que mon fulgurance déverse sur tout Paris. Si talons aiguilles, si tenue de soirée. C'est buté, c'est sorti, ça y est, c'est sorti. Je hais ces villes de bourgeois hippies. Et que rompe pas noir corps avec sa morale. Exemplaire. Je veux pas tout sortir mon texte pour la radio puisqu'il est là pour violer ta mère. Comme quand j'ai pu faire mon ancien beau-père. Quand je rappe, tu craques des grosses glaires, c'est clair. C'est pas non, ma meuf se sent libre alors je me lave pas les dents. J'écoute de l'insoutenable, me détend. À la PlayStation, je bute plein de gens. Je tripe sur la violence pure, sur la drogue dure. Je déventre derrière les ordures. Je prends ces stylos comme un rasoir. Que si je veux pas dans les secondes qui viennent, c'est rasoir. Mais je vais trancher les veines. Depuis te rasoir, sale chienne, je ne veux pas finir avec toi ni avec mon âme en peine. Je gueule sur les femmes et les hommes, c'est pareil. Que ces connards soient pas homosexuels. Marre de lâcher du texte serein. J'ai comme une envie de cracher du venin. Raconter ce qui se passe dans ma tête tous les jours. Quand ma meuf revient exposer qu'elle ne sait pas si elle a fait l'amour. Perché, je gère, mais je gère des germes de mes gères. Moi, quand je suis en rêve de sexe, je m'attends bon pour le héros. Je veux pas faire la fête avec n'importe quelle gonzesse. Avec mes potes, on s'auberge pour oublier les gers. Les lèvres gercées, mais c'est en reste. Ok. Et contre ta spé débile, tu as toujours une bande de vagras stériles. Les c'est en culture de ceux qui aiment le bang. C'est leur culture de ceux qui aiment le bang. C'est leur culture de ceux qui aiment le bang. C'est leur culture de ceux qui aiment le bang. C'est le moment où le tata pour oublier Bertinoche Nord. C'est le moment où le tata pour oublier Bertinoche Nord. C'est le moment où le tata pour oublier Bertinoche Nord. C'est le moment où le tata pour oublier Bertinoche Nord. C'est le moment où le tata pour oublier Bertinoche Nord. C'est le moment où le tata pour oublier Bertinoche Nord. C'est le moment où le tata pour oublier Bertinoche Nord. C'est le moment où le tata pour oublier Bertinoche Nord. C'est la culture de ceux qui aiment le battre. C'est la culture de ceux qui aiment le battre. C'est la culture de ceux qui aiment le battre. C'est la culture de ceux qui aiment le battre. C'est le ventre qui prennent le battre pour oublier la liberté nationale. C'est la culture de ceux qui prennent le battre. C'est la culture de ceux qui prennent le battre. C'est les ventres. Ils prennent les tatas pour oublier les nanas. C'est la culture de ceux qui aiment le battre. C'est le répondeur de ma petite amie. Avec toujours ce même refrain de ticket, j'ai pas collé. Ce qu'on ne répond pas, ce qu'on ne répond pas, ce qu'on ne répond pas. juste comme un meuf, je marque une pause en vrai, le morceau s'arrête.